Le directeur fait une réunion à 9 heures ? Non, et il fera une réunion plus tard. 1. Le facteur apporte le courrier à 10 heures ? Non, il apportera le courrier plus tard. 2. Les employés vont à la cantine à midi. Non, ils iront à la cantine plus tard. 3. Les étudiants font une pause maintenant? Non, ils feront une pause plus tard.